Chers auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 53e émission de Radio de Osez Jazz à tous les étages, saison 3, épisode 15. Voilà, toujours du bonheur à écouter ce générique Bacchus de Nicolas Gardel et les Headbangers, admirablement lancé par Vincent qui m'assiste à la technique. Puisqu'on est dans la thématique des génériques, on va rester sur notre lancée. Avec l'évocation dans cette rubrique générique aujourd'hui d'une émission plus récente que celle qu'on a fait jusqu'alors. Une émission toujours de France Inter. Décidément, on a l'habitude de venir piocher dans leur vivier de générique. C'était une émission de Jean-Luc Hesse qui a duré près d'une dizaine d'années, de 1990 à 1999. Et qui s'appelait Synergie. Alors ça n'avait rien à voir avec l'économie ou la politique et tout. Non, c'était vraiment une émission culturelle dans laquelle il présentait ce qui se passait au niveau des sorties cinéma, des lectures de livres, des sorties disques, etc. Pendant ces 10 années des années 90. Et ben, son générique, il se trouve que c'était un morceau de l'un de mes groupes préférés, peut-être même mon groupe préféré de toute ma vie, un groupe qui a opéré des années 1970 jusqu'à maintenant, après une interruption de quelques années dans les années 80. Le groupe en question, c'est Steely Dan. Steely Dan, groupe new-yorkais, mais qui s'est exilé volontairement en Californie, à peu près au milieu de sa carrière, pour aller y piocher des musiciens venus du jazz, de la pop, etc., des musiciens de studio qui étaient capables de reproduire les partitions qu'ils écrivaient, qui étaient souvent d'une grande complexité pour les musiciens. C'est une musique très sophistiquée, mais en même temps qui coule de source. Voilà, Steely Dan qui était au départ un groupe assez fourni, un groupe de 5 musiciens qui petit à petit s'est limité à 2 musiciens qui étaient Donald Fagen au clavier et au chant et puis Walter Baker qui assurait les guitares et la basse. Et puis ils étaient entourés d'une pléthore de musiciens, dont ceux notamment de Toto au grand complet, mais aussi Wayne Shorter pour les gens du jazz, Bernard Purdy, le batteur qui revenait de temps en temps aussi, qu'on a pu écouter lors de la dernière émission spéciale batteur. Il y a même Mark Knopfler qui est venu faire un petit solo sur l'album Gaucho, dont est extrait le titre qu'on va écouter. Le pauvre Mark Knopfler apparemment a dû recommencer 56 fois son solo de 20 secondes et a cru devenir fou parce qu'il n'entendait pas la différence entre la première et la 56e prise. Mais bon, c'était la 56e prise qui était la bonne, visiblement, pour Donald Fagen et Walter Baker. Bref, ce générique de Synergie de Jean-Luc Hesse, c'était donc ce morceau-là, Steely Dan, Hey 19, extrait de l'album Gaucho en 1980. Hey 19, Steely Dan, le morceau s'appelle Hey 19, extrait de l'album Gaucho en 1980, une petite merveille rythmique, là, ce petit piano électrique à la fin est bien agréable. Il y avait du joli monde là-dessus, Rick Maruta à la batterie, Hugh McCracken à la guitare, Victor Feldman qui jouait des percussions avec Steve Gadd aussi. Enfin, bref, il y avait un peu la crème des musiciens californiens de l'époque. Donald Fagen continuera en solo ensuite avec notamment un très très très très gros succès qui s'appellera The Night Fly quelques années plus tard. Et puis le groupe se remettra ensemble dans les années 90. Et bon, même si malheureusement Walter Baker est mort, Donald Fagen continue aujourd'hui de perpétuer ce groupe. Alors ce groupe avait déjà à l'époque en 1980 7 albums au compteur, et comme c'était des gros fans de jazz, de temps en temps comme ça, même si leurs albums étaient constitués de leurs propres compositions, de temps en temps ils aimaient bien citer un petit morceau qui les avait influencés. Alors on retrouve comme ça sur leur album de 1974 qui s'appelait Pretzel Logic, une reprise de Duke Ellington, un morceau qui s'appelle East St. Louis to the Loo, et dans lequel il s'amuse à faire une reprise avec le son de l'époque, un peu de wah-wah, un peu des premiers synthétiseurs, etc. Et ça fait une petite respiration dans cet album qui est très très riche, hein, Pretzel Logic. C'est vraiment un magnifique album du groupe que je vous invite à aller écouter, voire même à acheter, hein, carrément, parce que vraiment, bon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, Steely Dan, c'est vraiment un de mes groupes chouchous. East St. Louis to the Loo, donc repris de Duke Ellington par Steely Dan en 1974 sur Pretzel Logic. Vous allez voir, c'est un petit bonheur, court mais très bon. Oh, Et le petit coup de gong final, East St. Louis Toodaloo, une reprise d'un morceau de Duke Ellington par Steely Dan en 1974. Steely Dan qui était encore un quintet à l'époque. Vous avez pu entendre sur ce morceau les deux guitares, celle de Jeff Skunk Baxter qui était la guitare wah-wah, et le pedal steel joué par Denny Dias. C'est vraiment d'une finesse extraordinaire. Et puis ce petit solo de piano par Donald Fagen, c'était un vrai bonheur. Il y avait aussi à la basse donc Walter Baker et Jim Odor à la batterie. Un vrai petit bonheur de reprise sans façon, comme ça, avec un peu d'humour, ce côté décalé qu'avait Steely Dan à l'époque et qu'ils ont toujours d'ailleurs, toujours dire les choses de manière humoristique mais avec un brin de sérieux derrière et beaucoup d'ironie. On va donc, vous le devinez, écouter après la version originale. Alors pas tout à fait la version originale, parce que ce morceau East St. Louis Toodaloo de Duke Ellington a connu plusieurs évolutions. On sent bien dans la reprise qu'on a fait ici, Steely Dan, tout le côté un petit peu voilà, Charleston de l'époque de Duke Ellington, toutes ces nuits un petit peu de folie dans New York où on dansait un petit peu pour oublier la complexité du temps. Donc la première version de ce thème est assez peu connue. Ce qu'on va écouter, c'est la deuxième version, une version voilà plus musique à danser, qui est celle qu'ont repris Steely Dan dans leur version. Il y aura une troisième version après qui sortira en 1937, qui est une version étrangement ralentie, qui se danse difficilement, tellement elle est ralentie. Mais là, dans la version qu'on va écouter, qui date de 1927, East St. Louis Toodaloo, donc par Duke Ellington, c'est une version encore rapide sur laquelle on peut danser et secouer son régime de banane. Comme on le faisait à l'époque, en ceinture autour de la taille. Voilà, Duke Ellington, East St. Louis Toodaloo. Ha ha ha! Duke Ellington, East St. Louis to the Loo, ça craque un petit peu, hein. C'est des enregistrements issus de 78 tours de l'époque, voire même de rouleaux de cire, je sais pas, 1927, ça commence à dater un petit peu, hein. On va bientôt fêter les 100 ans de ce morceau, visiblement. Donc c'est pour ça que le son n'est pas toujours exceptionnel. C'était bien de pouvoir commencer par la version de Steely Dan pour vous, que vous ayez déjà le morceau dans l'oreille un peu. Vraiment un grand moment de morceaux un peu Charleston, ça sent bien hein, les années 20. On pourrait presque croire qu'on va voir en même temps un petit dessin animé noir et blanc de Walt Disney en écoutant ce morceau de Duke Ellington. Vraiment un vrai bonheur. On va passer maintenant à la rubrique coup de cœur. La rubrique coup de cœur qui débute avec Joël Ross. Joël Ross qui est un vibraphoniste et clavier aussi par la même occasion, mais surtout vibraphoniste, qui a déjà sorti 3 albums en 2019, 2020 et 2022. Là, le nouvel album s'appelle Nucleus, il sort chez Blue Note. C'est un album de longs morceaux dans lequel il explore un peu le thème à la fois du blues, de la ballade. Un album de groupe dans lequel il joue avec notamment sa femme qui est flûtiste, qui s'appelle Gabrielle Garot. Et il aborde différents thèmes. Classique, il n'y a pas de composition originale dans cet album, mais il réarrange et il se réapproprie des morceaux de John Coltrane comme Equinox, d'ailleurs qu'on va écouter tout à l'heure, des morceaux de Thelonious Monk et même un morceau de Jean-Sébastien Bach à l'intérieur de cet album, donc dont la plupart des morceaux dépassent les 8 minutes. Et vraiment, tout est dans la symbiose qu'il peut y avoir entre les différents musiciens, et puis cette ambiance à la fois entre la ballade, le blues et quelque chose d'un petit peu caribéen. Forcément, dès qu'on a du vibraphone, même s'il n'est pas toujours en vedette, parce que Joël Ross n'essaie pas de tirer la couverture à lui, il est toujours au sein du groupe. Et donc ce groupe dans lequel on retrouve Emmanuel Wilkins au sax alto d'ailleurs, Jeremy Corren au piano, Cano Amandandol à la basse et Jeremy Dutton à la batterie. Voilà, ça joue tout ensemble, c'est vraiment une patte sonore assez exceptionnelle, assez originale, et qui permet de rentrer dans un univers qui pourrait faire penser un petit peu aux peintures du douanier Rousseau. C'est très dense, il y a plein de choses dans cette musique, et voilà, on détermine pas tout de suite les détails de cette musique, tellement elle est riche et belle. J'ai choisi de vous faire écouter donc le morceau Equinox, une reprise d'un morceau de John Coltrane. Ça dure un petit peu, mais on va le laisser se dérouler comme ça aux oreilles et laissez-vous porter par cette ambiance sonore et essayez d'imaginer tout ce qu'il peut y avoir comme image derrière tout cela. Joël Ross, extrait de l'album Nucleus, le morceau s'appelle Equinox, John Coltrane. Thank you. C'était Equinox, une reprise de John Coltrane par Joel Ross, extrait de ce nouvel album Nucleus, sorti chez Blue Note en ce mois de février. C'est vraiment un petit bonheur à écouter et à réécouter éventuellement. Alors, comme c'est pas souvent quand même qu'on écoute des vibraphonistes, on va réécouter un autre morceau du même Joel Ross. Alors là, il joue un tout petit peu de vibraphone et surtout des claviers sur ce morceau-là, qui est un morceau enregistré en public au Festival de Montréal en 2023. Il est accompagné ici de Marky Hill, de Mackay McCraven, alors Marky Hill à la trompette, Mackay McCraven à la batterie, Junius Paul à la basse. Un très très beau morceau de ce Joel Ross, extrait donc de ce live à Montréal, au Jazz Festival de Montréal en 2023. I'm 70 years old and I'm already falling down from some sickness. I'm not going to live eternally, yet this is going to fall away. But that spirit, that's the part that don't die. That spirit, that's the part that don't die. But that spirit, that's the part that don't die. But that spirit, that's the part that don't die. But that spirit, but that spirit, that's the part that don't die. Thank you. Joël Ross en compagnie de Mark Ihi, la trompette, Mackay McCraven à la batterie et Junius Paul, donc enregistré au Festival de Montréal en 2023. Comme quoi, on peut être vibraphoniste, mais en général, pour pouvoir être vibraphoniste, il faut savoir jouer aussi des claviers, parce que les touches sont un petit peu les mêmes. Et là, Joël Ross jouait uniquement des claviers. Alors, cette petite séquence autour de Joël Ross nous permet aussi de parler un petit peu d'un autre grand vibraphoniste qui a un petit peu redonné ses dettes de noblesse dans les années 70 à l'instrument, qui depuis Lionel Hampton était tombé un petit peu en désuétude. C'est Gary Burton. On va écouter un morceau de Gary Burton qui s'appelle Syrup Horn, qui date de 1972 et qui a été enregistré en public avec un jeune homme qui joue de la guitare sur ce morceau, qui n'est autre qu'un tout jeune Pat Metheny qui devait à peine avoir plus de la vingtaine à l'époque et qui déjà cassait un peu la baraque. Il y a Steve Swallow aussi à la basse et puis Danny Gottlieb, le batteur qui fera partie lui aussi du Pat Metheny Group quelques années plus tard. Syrup Horn par Gary Burton au vibraphone, Pat Metheny à la guitare, Steve Swallow à la basse et Dan Gottlieb à la batterie en 1972, enregistré en public. C'est du vrai bonheur. Thank you. C'était Syrah Horn de Gary Burton, donc au vibraphone, un grand bonhomme qui a fait une carrière de vibraphoniste où il a remis un petit peu en avant cet instrument qui, dans les années 60, était tombé un petit peu en désuétude. Il était accompagné ici de Pat Metheny à la guitare, Steve Swallow à la basse et Danny Gottlieb à la batterie en 1972. Un vrai petit bonheur de morceaux à déguster comme ça en cette belle soirée. Alors, dans les autres coups de cœur de la journée, là, on va changer un petit peu d'instrument. On va retrouver un duo de musiciens qui ont signé un très très bel album chez Act. Donc, ces deux musiciens, c'est Adam Baldich au violon et Laszlo Metzder au piano. Les deux musiciens sont tous les deux issus d'un conservatoire de musique classique. Hein, ils sont polonais tous les deux. Et ils ont fait leurs études classiques dans des grands conservatoires. Et au fil des années, voilà, ils ont joué du classique. Et puis ils se sont rendus compte quand même qu'ils avaient quelques velléités d'aller dériver un petit peu vers le jazz. Mais leur formation classique est toujours présente. Alors cet album qu'ils ont signé tous les deux, Adam Baldich au violon et Laszlo Metzder au piano, s'appelle Passacaglia en italien, pour reprendre le nom originel de ce type de musique. Hein. La passacaglia, c'est un type de morceau qu'on a beaucoup entendu chez des compositeurs italiens et chez Jean-Sébastien Bach qui en a écrit quelques-unes au fil de sa longue carrière. Vous allez retrouver dans le morceau que j'ai choisi et qui est le morceau qui donne son titre à l'album. L'album s'appelle Passacaglia, le morceau s'appelle Passacaglia, et vous allez retrouver donc cet extrait vraiment où on sent les influences de la musique classique dans l'organisation du morceau, mais vous verrez, à un moment, ça dérive un petit peu et on part vers des choses un petit peu plus jazz. Adam Baldich et Laszlo Metzder, Passacaglia. Thank you. C'était Adam Baldic et Laszlo Metzder, Passaka Elia, extrait de l'album qui porte ce même nom, paru chez Act, et où les deux hommes voilà, essaient de confronter ou plutôt de relier la musique classique, musique de chambre en l'occurrence, puisqu'il n'y a que deux instruments, et le violon et le piano, et le jazz, dans une sorte de jazz de chambre. C'est fort plaisant, c'est bien agréable, et je me suis dit, comme ça, en écoutant cet album et en écoutant ce morceau, qu'il y avait eu des précédents sur des stations comme ça de Passacaille dans le jazz. Alors on pense tout de suite à Jacques Loussier qui en effet a arrangé une Passacaille de Jean-Sébastien Bach sur un de ses nombreux albums qu'il a consacré aux compositeurs classiques. C'était les albums qui ont commencé à apparaître au début des années 60, qui est Jacques Loussier Playback, Jacques Loussier Playback 1, Jacques Loussier Playback 2, Jacques Loussier Playback 3, etc. Enfin, c'était devenu un petit peu une recette au fil du temps. Et sur le Playback 5, donc en 1965, il avait fait une adaptation d'une Passacaille de Jean-Sébastien Bach. Mais plus près de nous, en 2014, donc il y a 10 ans, toujours sur ce même label sur lequel ont enregistré Adam Baldic et Laszlo Metzder, il y avait un autre musicien, Lars Danielsson, qui a sorti un album qui s'appelait Libretto. Et sur ce Libretto, il y avait un morceau qui s'appelait lui aussi Passaka Alia, et qui n'a rien à voir avec le morceau de Adam Baldic et Laszlo Metzder, si ce n'est l'inspiration, la rythmique de la Passacaille classique. Et donc sur ce morceau magnifique, vraiment magnifique, on retrouve donc Lars Danielsson qui est à la contrebasse, Tigran Amassian au piano, Magnus Ostrom à la batterie. Magnus Ostrom, c'était le batteur de S-Borg Svensson Trio qu'on a écouté en fin d'année dernière lors d'un coup de cœur, puisqu'il avait sorti un très très bel album en 2023. Et puis il y a John Paricelli à la guitare, donc Passacaille 2014, l'album s'appelait Libretto et c'est Lars Danielsson, Passacaglia. Lars Danielsson, extrait de l'album Libretto en 2014 sur le label Act. Le morceau s'appelait Passacaglia et donc il était accompagné de Tigran Amassian au piano. Lars Danielsson, donc lui-même, tenait la basse, Magnus Ostrom aux baguettes et John Baricelli à la guitare. Vraiment un très bel arrangement d'un morceau classique. On va passer maintenant à la rubrique concerts, avec quelques concerts à venir dans les jours qui viennent. Il y a tout d'abord le 8 mars, Nathalie Dessay, qui sera en concert en hommage à Michel Legrand, donc à l'Espace Ligeria, à Mont-Louis. Un très beau concert où elle sera accompagnée de Pierre Boussaguet et son quatuor. Pierre Boussaguet qui a été lui-même contrebassiste de Nougaro, de Michel Legrand également, qui a travaillé avec pas mal de musiciens de cette période-là. Donc il connaît bien le répertoire et il soutiendra donc de manière assez jazzy et efficace Nathalie Dessay et sa splendide voix, toujours d'une grande souplesse, qui se met au service donc des compositions de Michel Legrand sur ce concert qui risque d'être un beau moment de ce début de printemps, on va dire, même si le 8 mars, on ne sera pas encore tout à fait au printemps, dans la région. Ensuite, le 15 mars, vous pouvez aller voir à l'Espace Malraux Fatoumata Diawara, la chanteuse malienne. Alors, on est plus trop dans le jazz, là, mais c'est toujours plaisant d'entendre des musiques originaires d'Afrique comme ça, qui ont quand même tellement influencé le jazz. Fatoumata Diawara, c'est une énergie assez impressionnante et assez positive sur scène. Donc à voir le 15 mars à l'Espace Malraux. Et puis le 29 mars, les Budshakers viendront enflammer le club des Lobbies à Blois. Les Budshakers, c'est du rhythm and blues, des musiciens français et une chanteuse américaine basée dans la région de Lyon et qui font vraiment, qui mettent le feu aux planches quand ils jouent leur rhythm and blues, vraiment pur et dur et vraiment très, très réussi. Un petit peu auparavant, puisque cette émission est enregistrée à Amboise, à signaler au Théâtre Beaumarchais à Amboise le 23 février, il y aura Bassé and the Gospel Team, une soirée gospel pop, on va dire, qui risque d'être plutôt intéressant au Théâtre Beaumarchais, donc le 23 février. C'est pas souvent qu'on parle du Théâtre Beaumarchais dans cette rubrique concert de Osé Jazz à tous les étages, donc c'était l'occasion un petit peu d'appuyer dans cette magnifique salle qui est vraiment très très belle, que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai assisté à quelques concerts ces dernières années, et c'est toujours un vrai bonheur, cette petite ronde qui est un vrai petit bonheur, qui a une très très belle acoustique en plus. Voilà, c'était cette rubrique agenda concert. On va se quitter maintenant avec un dernier morceau. Alors c'est un morceau un petit peu particulier, un morceau que vous ne trouverez pas dans un disque. C'est un morceau qui a été mis en ligne récemment par Ludovic Bayer, qui est un fantastique harmoniciste, accordéoniste et autres, parce que c'est un multi-instrumentiste. Qui est vraiment un grand bonhomme qui a réussi à relancer l'intérêt pour le jazz français aux États-Unis grâce au groupe qu'il a fondé qui s'appelle le Django All Stars, dans lequel il a travaillé avec tout un tas de musiciens, de Pierre Blanchard à Biréli Grène, en passant par Philippe Doudou Cullerier. Et Ludovic Bayer donc a tenu à rendre hommage dans le morceau que l'on va écouter à mon ami Boris Kurtz, qui était à l'initiative de cette émission de radio Osé Jazz à tous les étages, que l'on a partagé pendant deux saisons. Ludovic Bayer, Boris Kurtz était son manager en fait pendant de longues années. Il l'a accompagné, il l'a fait connaître, il l'a imposé petit à petit avec sa façon qu'on lui connaît. Et Ludovic Bayer doit beaucoup à Boris Kurtz. Malheureusement, Boris Kurtz nous a quitté quittés en septembre dernier, mais également Philippe Cullerier, qui était le guitariste de Django All Stars. Donc de ces deux deuils, Ludovic Bayer a tiré un morceau qu'il a appelé « Silence » et qu'il a mis en ligne récemment. C'est un très très beau morceau dans lequel Ludovic Bayer exprime en fait à la fois sa peine, mais aussi la sérénité qui accompagne ensuite le départ de ses amis. Le morceau s'appelle « Silence ». Il est donc signé de Ludovic Bayer. Il est visible sur les plateformes d'écoute de musique. On va se quitter avec ce morceau-là. Je remercie encore une fois Vincent pour avoir assuré la technique avec autant de brio, comme toujours. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une 54e émission d'Osez Jazz à tous les étages. Merci à tous de votre fidélité à Osez Jazz à tous les étages et à la semaine prochaine. Au revoir.